La F1 a la mémoire courte, comme le titrait une ancienne émission de cette chaîne qui prenait pour exemple les cas de Sébastien Vettel et Carlos Sainz en 2020. De futur star à pilote immature, puis immense champion avant que son passage chez Ferrari ne plombe sa réputation. Et je m'amuse de me dire que 4 ans plus tard, cette émission gagne en perspicacité, puisque de ce statut, Sébastien Vettel est désormais vu comme une légende et le meilleur ami de tout le monde. Idem pour Carlos Sainz, éternel oublié, très critiqué à l'époque et à l'annonce de son recrutement, et qui est aujourd'hui mis à la porte, 4 ans plus tard, avec tout le monde qui se demande si c'est vraiment un choix judicieux à faire face à son évolution éclair depuis 2023. J'en viens naturellement au sujet d'Esteban Ocon, pilote qui a généré nombre de controverses, que ce soit lors de son arrivée en Formule 1, en courte saison 2016, où il se disait qu'avec son jeune âge et sa faible expérience, il serait dans l'ombre de Pascal Wehrlein, autre protégé de l'Académie Mercedes qui partageait son garage chez Manor. Nouvelle controverse lorsque Force India, en accord avec Mercedes, préférait prendre le jeune français plutôt que l'allemand qui était vu comme le futur légitime des flèches d'argent. On se disait d'Ocon que c'était un pilote trop jeune pour mériter une place dans une équipe qui s'affirmait comme nouvelle star du milieu de peloton, qui finissait 4e en 2016 avec 2 podiums devant des Williams et McLaren. Pourtant, avec 3 dixièmes places, une 7e et une 5e place en 6 courses, Esteban Ocon prouvait qu'il avait un réel potentiel. Et à côté, au même moment, sur les chaînes YouTube de VoteFeu1 ou encore Thibaut Enchappe, des chaînes qui proposaient des émissions avec lui et qui montraient un personnage profondément attachant, contribuant à rapidement générer beaucoup de positivité autour de lui. C'était inédit de voir des pilotes de F1 sur des chaînes YouTube, ou du moins chez des indépendants, parce que sur les chaînes de télévision qui partagent leur contenu sur YouTube, bon, bah ça se voyait partout. Donc voilà, c'était nouveau, c'était cool, on le voyait soit dans un cas plaisanté sur des questions volontairement absurdes, soit humblement présenté son parcours touchant et surprenant, tout en exposant simplement le niveau d'exigence physique nécessaire pour être pilote de Formule 1. Le vrai monsieur tout le monde qui démontre à quel point le sport est exigeant. Et puis il y a eu le Canada. Ocon était dans le rythme de Pérez et bénéficiait d'une stratégie favorable. Il revenait sur le Mexicain qui était bloqué derrière Daniel Ricciardo pour une potentielle place sur le podium. La consigne d'équipe est arrivée. Mais Pérez l'a refusé. Il l'a même défendu. Ocon s'impatiente, ses pneus surchauffent, perdent en efficacité et les positions se stabilisent. Ils sont même impuissants face au retour de Sébastien Vettel en fin de course. Les déclarations post-Grand Prix sont tendues, mais on a l'habitude. Pérez s'était refait une réputation avec ses superbes performances chez Force India, mais on se rappelle qu'en 2013, il attisait la colère de Jenson Button chez McLaren avec quelques touchettes et un comportement peu fair-play face à son coéquipier. 2 semaines plus tard, c'est le drame. À une relance de voiture de sécurité à Bakou, Ocon tasse le Mexicain contre le mur et ruine ce qui aurait pu être, potentiellement, une victoire dans cette course rocambolesque. Si ce n'était pas pour Vettel qui percuta volontairement Hamilton, ce serait le sujet numéro 1 de discussion, mais voilà. Pérez est en mauvaise grâce et on revoit le Checo de 2013 qu'on n'aime pas. Mais d'un autre côté, la faute revient tout de même au jeune pilote de 21 ans qui vit son 8e Grand Prix dans le peloton. Ça arrive dans ce genre de circonstances, on peut l'incriminer, mais on peut pas lui en vouloir. Il fait un boulot plus qu'admirable depuis ses débuts, et ça continue plutôt calmement, et v'là Spa. Ocon est plus rapide, bénéficie d'une meilleure sortie, et... Bon, on a déjà vu cet accident il y a quelques jours, on sait tous que dans ce scénario, c'est la faute à Magnussen. À Jeddah aussi, c'était la faute à Magnussen, mais... Les positions étaient inversées. D'un côté, on blâme Pérez de voir un scénario se répéter, celui de 2013, de voir ce comportement assez puéril face à un gamin, et de l'autre côté, on blâme Ocon de... En réalité, c'était surtout des messages de menaces de mort qui venaient beaucoup de la péninsule un peu nord-sud-nord américaine, juste en dessous des États-Unis. Voilà, Mexique, voilà. Il y avait un lien de corrélation. Reste à savoir si c'est spécifiquement là-bas qu'ils ont décidé qu'ils aimaient pas Ocon ou s'il y avait un lien avec Pérez. Là, je suis incapable de tirer la moindre conclusion. Moi, j'énonce juste des souvenirs, tu vois. Je suis pas là pour juger. Les choses se tassent et tout se passe globalement bien jusque la fin de la saison 2018. Ocon perd son baquet lors du rachat de Force India par Papa Stroll. Et là, on voit à nouveau naître un soutien incroyable derrière Ocon qui bénéficiait plus tôt dans l'année de l'arrivée du podcast Beyond the Grid pour exposer à nouveau son parcours et renforcer ce soutien assez populaire en F1. D'un côté, ce genou avec des parents qui ont tout vendu, tout sacrifié pour partiellement le soutenir face au gamin dont le papa a acheté une équipe de Formule 1 pour faire rouler son fils. Il n'y a pas plus David contre Goliath pour que cela crée la ferveur autour d'un homme. Après, il y a eu Singapour, mais bon, on est dans un scénario où littéralement tout le monde a blâmé Sergio Pérez, à quelques exceptions qui ne valent pas la peine d'être mentionnées. Pérez lui-même s'est incriminé dans le crash de Singapour, c'est dire à quel point c'était de sa faute. Mais bon, le plus grave arrive, Interlagos. La touchette avec Verstappen lorsqu'il lui reprenait un tour. On est passé du pilote qu'il fallait à tout prix soutenir, celui qui s'était qualifié troisième dans une Force India Spa, qui recevait des éloges de la part de Vettel et Hamilton, les deux numéro 1 de l'époque, et c'est devenu ce pilote qu'il fallait à tout prix dégager, et que c'était une très bonne chose qu'il dégage, parce que... bon, il y avait eu un incident de course avec un meneur. Uncertainty about where you're going to be next year. A result like that in tricky conditions. Just how huge is this for you? Yeah, it's a fantastic. Hi everyone. Hello. Thanks for the support, first of all. It's Say hello to our WTF1 fans. Hello everyone. Stone. Look, I'm packing all my stuff like a screw. Oh my, I literally said before I spoke to you I'm going to cry. And then you said that. Why would you say that? Nice to see you, mate. See you, man. See you later. Bye. I love him. Un an sur la touche, retour discret en 2020. Il était impossible d'émuler à nouveau cette ferveur de ses débuts. Même en tenant Vettel pendant 70 tours, c'était pas suffisant à Budapest, puisqu'il avait fallu une apocalypse et une superbe défense de son coéquipier pour le faire gagner dans ce qui était, au mieux, la quatrième ou cinquième voiture de ce week-end. Mais vous savez, on pourrait passer des heures et des heures à discuter, à repasser ces événements en boucle. Essayer de nuancer ou pas la culpabilité de tel ou un tel, de discuter de l'absurdité de voir la colère exprimée à l'encontre d'un être humain qu'on connaît pas parce qu'il a eu 3-4 accidents pas glorieux dans son parcours. On pourrait faire tout ça et on en resterait au même point. Je vais donc me permettre un petit parallèle à travers cette histoire d'un grand pilote de Formule 1 que sûrement peu de monde connaît. Alors je sais qu'ici il y a de grands fans d'histoire, donc j'ai pas envie de vous insulter, mais je reste persuadé que parmi ces quelques fans vous en serez une minorité à ne pas à la connaître, ou c'est l'inverse. Bref, tu m'as compris, grosso modo je pense que très peu de monde la connaît, donc c'est pour ça que je vais en parler un petit peu, voilà, de tête comme ça, et après, vous verrez où je veux en venir. Donc, je recontextualise. Il s'agit de l'histoire d'un incident avec Jim Clark. Jim Clark, si tu connais un peu les noms, c'est... voilà. Grand champion. Il faisait ses débuts en F1 en 1960, après avoir brillé en voiture de sport. Il a débuté en Formule 1 avec Lotus, grande équipe de l'histoire, mais encore toute petite et naissante à cette époque. Et malgré quelques abandons dus à des problèmes mécaniques, il a pris quelques bons résultats, comme des podiums à Snetterton ou au Grand Prix du Portugal, et il a gagné le titre de Formule Junior au passage cette même année. En 61, Clark continue de s'affirmer, gagnant son premier Grand Prix à Pau et en faisant d'autres podiums. En Formule 1, bien sûr. Cependant, c'est lors du Grand Prix d'Italie à Monza qu'il a fait les unes, et pas pour des raisons sportives. Donc tu vas comprendre un peu là où je veux en venir. Au départ de la course, il s'est accroché avec la Ferrari de Wolfgang von Trips, l'un des favoris pour le titre. La Ferrari du pilote allemand part dans les tribunes, tuant le pilote et 15 spectateurs. Ce qui remet vachement en perspective cette question que j'ai trouvée il y a 2-3 jours dans un quiz. Clark, bien que blanchi de toute faute par les commissaires de course et par la justice italienne, est profondément affecté par l'accident, normal, mais aussi parce que les accusations et les spéculations sur sa responsabilité se multiplient, et il est même jugé sur son manque d'expérience par Stirling Moss, que j'ose qualifier de numéro 1 de la F1 à ce moment-là. On peut en débattre parce que il a jamais gagné de titre, mais d'un côté, les seuls champions qu'il y avait à cette époque sur la grille, c'était Phil Hill, le champion par défaut suite à la mort de Von Trips, et Jack Brabham qui avait gagné les championnats en 59 et en 60. Donc, et il était encore en début de carrière, alors que Stirling Moss, il avait eu une saison 61 magnifique, il a gagné 11 Grands Prix, il a été 4 fois vice-champion du monde de Formule 1, donc je pense qu'on peut dire que c'était le numéro 1 ou le numéro 1 bis. Tout ce qu'il a dit, forcément, ça s'est très rapidement ébruité dans la presse britannique, surtout que Stirling Moss, sa carrière après la course automobile, ça a été d'être dans la presse. Donc, il avait déjà une certaine aisance et des certaines affinités dans le milieu de la radio, de la télévision. Donc, la presse britannique s'est naturellement rangée derrière son avis. Et en plus de la pression médiatique, Clark a été blessé plus émotionnellement parce qu'un pilote pour lequel il a un respect infini l'a remis en cause. Malgré tout, Clark a fini cette année 62 avec 3 victoires en Formule 1 lors des... je sais pas comment ça s'appelait, les courses en Afrique du Sud. Il y avait 3 Grands Prix pour conclure l'année en décembre. Il a gagné les 3. En 62, il a joué le titre. Il l'a perdu sur une panne mécanique à la dernière manche. Et à nouveau, Stirling Moss, là, il revient. Cette fois, il était retraité. Il suivait pleinement la Formule 1 en tant que commentateur. Et il est un petit peu à nouveau tombé sur Jim Clark en disant qu'il ne méritait pas de gagner. Il n'avait pas la mentalité d'un champion, malgré son talent indéniable. Mais il disait que, il n'avait pas une mentalité de champion. Il n'était pas assez gestionnaire. Pourtant, en 63, Clark gagne pas moins de 13 Grands Prix de Formule 1, plus le titre. Et à partir de là, c'est lui qui est devenu le numéro 1 incontesté du sport, avec un parcours qui méritera que j'en parle plus longuement à l'occasion. Mais profitez-en pour regarder mon émission sur l'histoire de la Formule 1 et ma rétro historique de Fangio à Hamilton pour remettre Jimmy Boy en perspective. Ce petit parallèle, petite anecdote pour vous dire... je sais pas si vous allez voir où je veux en venir, mais pour être très clair, je suis pas en train de comparer Esteban Ocon à Jim Clark. Loin de là. Mais dans cette période où on s'acharne un peu inutilement à attaquer ou même à défendre un pilote de course, je me suis dit, c'était mon sentiment. J'ai pensé que c'était bien plus productif de profiter de cet effet de mode pour faire un petit billet facile avec la YouTube Monnaie et en profiter pour instruire quelques ignares. En gros, j'ai fait du putaclic pour vous parler d'un champion du monde qui est trop souvent oublié. Vous me remercierez plus tard. Bisous.